C'était la bâtarde d'un prince. Belle, cela va sans dire. Sans cela, pourquoi l'aurais-je prise? Mais elle gâtait cette grande qualité par une ambition malséante et difforme. C'était une femme qui voulait toujours faire l'homme. Vous n'êtes pas un homme? Ah, si j'étais un homme! De nous deux, c'est moi qui suis l'homme. Tels étaient les insupportables refrains qui sortaient de sa bouche, d'où je n'aurais voulu voir s'envoler que des chansons. À propos d'un livre, d'un poème, d'un opéra, pour lequel je laissais échapper mon admiration. Vous croyez peut-être que cela est très fort, disait-elle aussitôt. Est-ce que vous vous connaissez en force? Et elle argumentait. Un beau jour, elle s'est mise à la chimie, de sorte qu'entre ma bouche et la sienne, je trouvais désormais un masque de verre. Avec tout cela, fort bégueul. Si parfois je la bousculais par un geste un peu trop amoureux, elle se convulsait comme une sensitive violée. « Comment cela a-t-il fini ? » dit l'un des trois autres. « Je ne vous savais pas si patient. » « Dieu, reprit-il, mit le remède dans le mal. Un jour, je trouvais cette Minerve, affamée de force idéale, en tête-à-tête avec mon domestique et dans une situation qui m'obligea à me retirer discrètement pour ne pas les faire rougir. Le soir, je les congédiais tous les deux en leur payant les arrérages de largage.